la Chine par son histoire. Bonjour et bienvenue à cette 29e émission de Prendre la Chine par son histoire. Carl Derry au microphone, que vous soyez sur la route actuellement ou dans le confort de votre foyer, il me fait extrêmement plaisir de vous accueillir à nouveau cette semaine, alors que nous allons poursuivre le 11e chapitre de notre histoire de la Chine à dos de tortue. Un chapitre qui porte sur le mouvement de modernisation lancé en Chine dans la deuxième moitié du 19e siècle, mouvement que les historiens appellent parfois mouvement d'auto-renforcement, parfois mouvement des choses de l'Occident. Par contre, avant de poursuivre le fil de notre récit historique, là où nous l'avions laissé la semaine dernière, je vais prendre quelques minutes en commençant l'émission pour revenir brièvement sur l'actualité internationale, et en particulier poursuivre sur la question des relations entre les États-Unis et la Chine sous l'angle de l'évolution de la guerre en Iran. En fait, je dois tout simplement prendre quelques minutes pour indiquer que nous avons appris cette semaine entre les branches que les États-Unis avaient demandé à la Chine de reporter la visite du président américain, prévue initialement entre le 31 mars et le 2 avril prochain. La raison donnée est que les États-Unis préfèrent se concentrer pleinement sur la situation en Iran. On a vu au cours de la dernière semaine une intensification des bombardements de la part de l'Iran dans la région du détroit d'Ormuz, alors que le pays semble en état de survie, frappant tout azimut des endroits vulnérables et des sites stratégiques liés au commerce pétrolier international. Et on a ainsi vu une diminution considérable de la circulation du nombre de pétroliers dans le détroit, affectant ainsi les marchés mondiaux partout sur la planète. La réaction du président américain fut d'abord d'y aller de menaces et de critiques à droite et à gauche, à l'endroit de ses alliés traditionnels, dont le Canada et les pays membres de l'OTAN, mais aussi à l'endroit de la Chine, afin que ceux-ci interviennent pour aider les Américains à sécuriser le passage des pétroliers dans le détroit d'Ormuz. Le président Trump y est ensuite allé de ses menaces habituelles à l'endroit du monde et à l'endroit de la Chine, allant même jusqu'à dire, à partir du 16 mars dernier, que si la Chine ne voulait pas s'impliquer pour sécuriser le passage stratégique dans le détroit d'Ormuz, les États-Unis pourraient annuler la visite du président américain en Chine. C'est ainsi qu'on pouvait entendre le 17 mars dernier, lors de la conférence de presse quotidienne du représentant du ministère des Affaires étrangères de la Chine, le groupe Bloomberg poser la question suivante. Le président Donald Trump a lui-même déclaré que, compte tenu des besoins liés au conflit avec l'Iran, il souhaitait reporter sa visite en Chine d'environ un mois et qu'il avait demandé à la partie chinoise de reporter la rencontre entre les chefs d'État américains et chinois. Pourriez-vous confirmer ces informations? La partie chinoise a-t-elle reçu cette demande de la partie américaine? Pourriez-vous fournir davantage de détails? Et la réponse de Lin Tian fut tout simplement de dire « La Chine et les États-Unis restent en contact au sujet de la visite du président Donald Trump en Chine. » Ce à quoi le réseau NBC a renchéri avec une question pour savoir à quel moment la demande avait-elle été formulée la première fois et surtout, à quelle date la visite de Donald Trump en Chine pourrait-elle être reprogrammée. Et à nouveau, Lin Tian de répondre « La Chine et les États-Unis restent en contact au sujet de la visite du président Donald Trump en Chine, y compris en ce qui concerne les dates. Je n'ai rien à ajouter pour l'instant. » Et même si NBC est revenu à la charge en demandant plus tard une précision sur les dates de la nouvelle rencontre, la réponse fut tout simplement, à nouveau, « Je n'ai rien à ajouter pour l'instant. » Même si la réponse des autorités chinoises est demeurée vague et laconique, l'annulation de la visite de Trump en Chine a tout de suite été annoncée de manière officielle alors que les sites de NBC, Associated Press et Global News publiait la nouvelle le 17 mars dernier. Plusieurs médias avaient déjà publié un texte le 16 mars évoquant la possibilité de l'annulation, mais la confirmation est venue le 17 et ce n'est que le 18 mars que la plupart des groupes médiatiques à l'échelle planétaire publiaient à leur tour la nouvelle, incluant Al Jazeera, Reuters, The Guardian, Anadolu en Turquie, Yonhap en Corée, le Courrier international en France ainsi que la CBC. Même si, à l'heure d'écrire ces lignes, les médias anglophones de la Chine continuaient de publier uniquement la réponse vague donnée par Lin Tian, confirmant que les États-Unis et la Chine étaient toujours en communication, le président Trump a lui-même confirmé, le 19 mars dernier, le report de sa visite en Chine, alors qu'il répondait aux questions de journalistes dans le cadre de la visite de la première ministre du Japon à la Maison-Blanche. Cela étant dit, nous ignorons toujours la date de ce report, mais puisque nous aurons à reparler de ces événements ultérieurement, il est temps pour nous de laisser l'actualité là où elle se trouve et de se tourner vers la première pièce musicale de la journée. Alors que nous avons choisi aujourd'hui le thème des standards sociaux pour lier entre elles les pièces musicales d'ouverture et de fermeture de l'émission. Les standards sociaux sont une composante importante de la culture d'un peuple et ils constituent un bagage qu'on cherche à imposer sur les individus selon des visions bien souvent stéréotypées sur des valeurs particulières, voire sur la place de chacun, chacune dans la société. Pour la première chanson, nous allons d'abord explorer le thème de la beauté et des standards qui lui sont associés. Qu'est-ce qui est beau? Qui est beau et qui est laid? Et surtout, qui décide des critères de la beauté dans une société donnée? La chanson que je vous propose explore les préjugés et la pression sociale liée aux apparences. Et surtout, c'est une chanson qui nous encourage à voir autant la laideur que la beauté, selon la force de notre propre énergie intérieure. C'est une chanson qui s'intitule « Guameide », ce qu'on pourrait traduire par « la beauté laide »,« Ugly Beauty », interprétée par l'une des grandes divas de la pop au cœur de la sinosphère musicale. La chanson est parue en 2018 sur le 14e album studio de la chanteuse Jolin Tsai. C'est une chanson qui nous invite à reconsidérer les critères de beauté et de laideur qu'on cherche parfois à nous imposer. Voici donc « La beauté laide » Guameide, interprétée par Jolin Tsai. Just shine my Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire et nous sommes prêts à reprendre notre récit. Alors que nous parlions la semaine dernière de l'échec de la modernisation en Chine à la fin du 19e siècle et surtout de l'impact de la première guerre sino-japonaise. En fait, il faudrait voir que, pour plusieurs, l'humiliation de la défaite de la Chine face au Japon lors de la guerre de 1894-95 était encore plus grande que celle vécue face aux Occidentaux depuis les guerres de l'opium. La raison en est tout simplement que, pour la Chine, les Occidentaux étaient des nouveaux venus en Orient, des barbares qui venaient de loin et qu'on connaissait encore très peu avant de les affronter militairement. Alors qu'à l'inverse, le Japon est un pays que les Chinois voyaient comme des barbares de l'Orient, un pays qui était connu de la Chine depuis au moins 1500 ans. C'est donc dire que les Chinois connaissaient très bien l'étendue du Japon, sa culture, ses mœurs et même son niveau de développement depuis longtemps. Qu'un pays si petit, qu'on connaissait si bien, soit parvenu à écraser militairement la Chine des Qing est une humiliation qui ne passait tout simplement pas pour un grand nombre de Chinois. C'est pourquoi la défaite militaire face au Japon, c'est l'événement qui a réussi à convaincre plusieurs intellectuels chinois que le mouvement d'auto-renforcement, Zhijiang Yuntong, s'était avéré un échec et qu'il s'agissait d'une modernisation qui était largement insuffisante pour la Chine parce qu'elle était trop superficielle. Si le Japon était parvenu à se moderniser aussi rapidement, au point d'imposer à son tour à la Chine un traité inégal, il n'y avait aucune raison qui puisse justifier l'incapacité de la Chine à en faire autant. Et c'est ainsi qu'on commença à militer davantage pour une réforme en profondeur des institutions, une réforme complète qui devait aussi, à l'exemple du Japon, inclure une réforme des institutions politiques. Et c'est ce qui nous amène au deuxième événement dont nous avons parlé, qui révèle l'échec de la modernisation, à savoir les 100 jours de Guangxu de 1898. Parmi les intellectuels chinois qui voulaient moderniser la Chine, on retrouve Kang Youwei, qui cherchait à réformer la tradition confucéenne afin de l'adapter pour pouvoir faire face aux défis posés par le monde contemporain. À cet égard, Kang Youwei a régulièrement envoyé des pétitions au gouvernement impérial depuis au moins l'an 1888. Mais c'est en 1898 qu'il fut reçu par le jeune empereur Guangxu, alors âgé de 16 ans. Kang Youwei a réussi à convaincre l'empereur de la nécessité pour la Chine qu'elle mette en œuvre une modernisation en profondeur de ses institutions et un système de vastes réformes qui se mit en place suite à cet entretien. Entre le 11 juin et le 20 septembre 1898, une quarantaine d'édits impériaux sont promulgués, proposant une réforme complète de la Chine, touchant au système d'éducation, le système politique, l'industrie, les échanges culturels, les lois, l'économie, etc. Puis, la réforme de 100 jours se termina abruptement par un coup de palais, orchestré par l'impératrice douairière Cixi, qui fit arrêter et mettre à l'écart l'empereur Guangxu. Cixi prit alors les rênes du pouvoir impérial et fit tout de suite annuler l'ensemble des réformes promulguées au cours de cette brève période entre juin et septembre de l'année 1898, ce qui vint à nouveau montrer clairement l'échec de la volonté de modernisation de la Chine. Se retrouvant aux commandes de la dynastie Qing, Cixi se réfugia alors dans un conservatisme anachronique et dépassé, et ce décalage devint tout à fait limpide dans le cadre du troisième événement dont nous avons parlé, soit la révolte des Boxeurs. La révolte des Boxeurs, c'est en soi un mouvement qui est fort complexe et qui révèle plusieurs choses, incluant l'accumulation des insatisfactions populaires à l'égard de la dynastie Qing, des réactions xénophobes de la population chinoise face à l'augmentation de la présence des Occidentaux en Chine à la fin du 19e siècle, ainsi que, comme nous venons tout juste de l'évoquer, le conservatisme anachronique de la cour impériale. D'abord, pour bien mettre en contexte, disons qu'il y a eu plusieurs mouvements anti-chrétiens sur le territoire chinois au cours des années 1860-70, incluant le célèbre massacre de Tianjin en 1870, qui a fait une centaine de victimes, dont 16 Français et 3 Russes. L'augmentation de la présence des religieux occidentaux en Chine était considérablement importante, au point qu'on retrouvait vers le milieu des années 1890 environ 600 000 chrétiens en Chine qui étaient répartis entre plus ou moins 1300 missions religieuses différentes réparties dans plus de 300 villes, dont la plupart se trouvaient dans les régions de la côte le long du littoral. Parmi les endroits qui connaissaient une forte croissance de cette présence étrangère, on retrouve notamment la province du Shandong, qui enregistre aussi à l'époque une importante croissance démographique et qui, de surcroît, fut confrontée à des inondations majeures. Tous ces éléments contribuèrent à une aggravation du fardeau sur la population paysanne et à une augmentation du banditisme, surtout dans les régions rurales. Et c'est dans ce contexte général qu'une milice populaire xénophobe a fait son apparition dans la province. On les appelait « Yi He Chuan », ce qui se traduit par « les points de justice », d'où l'appellation courante sur « les boxeurs ». Ceux-ci pratiquaient une forme de mysticisme, inspirée de religions populaires et de chamanisme, incluant une transe rituelle mêlée d'arts martiaux, qui les rendait invulnérables, croyait-on alors, face aux armes à feu utilisées par les Occidentaux. Les boxeurs ont donc commencé à s'attaquer aux intérêts des puissances occidentales dans la province du Shandong. Puis, à l'été 1899, la cour impériale menée par Cixi a décidé d'appuyer officiellement le mouvement qui changea alors de nom, devenant Yihe Tuan, ce qui signifie « milice de justice ». À partir de l'été 1899, les boxeurs furent donc encouragés et supportés par la cour impériale et ils devinrent le fer de lance d'un mouvement anti-occidental généralisé, un mouvement qui s'étendait dans plusieurs provinces du nord de la Chine. Les boxeurs ont pris d'assaut la capitale impériale et les attaques se sont multipliées contre tous les symboles de la présence étrangère en Chine. À partir de ce moment, le slogan des boxeurs était « Aider les Qing, tuer les étrangers ». Dès lors, on vit des missionnaires occidentaux qui se firent tuer, des lignes de chemin de fer et de télégraphes arrachées, des églises vandalisées et pillées, alors que certaines furent entièrement détruites. La légation britannique de la ville de Pékin fut prise d'assaut et incendiée et plusieurs membres du corps diplomatique japonais furent assassinés. Le cimetière des Jésuites qui se trouvait à Pékin fut même profané et les corps ont été exhumés de la terre. L'objectif des boxeurs était alors d'effacer toute trace de la présence des Occidentaux sur le territoire de la Chine. Les puissances occidentales ne restèrent pas les bras croisés très longtemps devant ces attaques répétées et en juin 1900, un corps expéditionnaire international se prépara dans la ville de Tianjin. Pendant ce temps, les choses évoluèrent rapidement. Du 19 au 21 juin 1900, la dynastie Qing a rompu tous ses liens diplomatiques et elle a déclaré la guerre à tous les étrangers qui étaient présents en Chine. Puis, entre le 29 juin et le 14 août, on assista au siège de la légation étrangère de Pékin par les boxeurs. C'est dans ce contexte qu'un corps expéditionnaire international constitué de 18 000 soldats venant de 8 pays différents, arriva à Pékin pour venir réprimer le mouvement et libérer la légation étrangère. Le 24 décembre 1900, les puissances alliées imposèrent à la dynastie Qing le protocole des boxeurs, mettant fin aux attaques et réhabilitant tous les traités ratifiés depuis 1842, tout en imposant à la dynastie Qing de verser une indemnisation colossale pour réparer tous les dommages causés. Mais avant de poursuivre avec le troisième point de notre chapitre 11, on va retourner en musique avec une pièce musicale qui nous permet de mettre en valeur à nouveau la culture et la langue manchou qui sont au cœur de la dynastie Qing. Nous connaissons tous et toutes la chanson de l'alphabet, chanson qu'on nous faisait apprendre au début de l'école primaire. A, B, C, D, E, F, G. Et vous connaissez bien sûr la suite. Et la chanson que je vous propose aujourd'hui en est une qui a une fonction pédagogique similaire. Il s'agit d'une chanson qui présente les principales sonorités de la langue manchoue, chanson qui a été composée pour faciliter l'apprentissage de la prononciation. Voici donc les 12 préfixes de la langue manchoue. Manwen shuar zido. Et nous, on se retrouve tout de suite après la pause. <t'-> 说说说他的。 说书说他的。